Vas-y. J'écris les doigts dans la brise, le courant ne passe plus en cellule de crise. C'est sur la blancheur d'une feuille et une plume que je mise. Je voyage sans permis, sans carte grise, wanted à la frontière. Ma puce, mon passé me rattrape. Le pardon n'existe plus, alors on m'attraque. Tu comprendras la dureté de ma frappe. Quand l'affection est prononcée par une claque, forcément tu comprendras que ça laisse une trace. En solo car je me méfie de leur messe basse. Beaucoup se défilent quand la merde passe. Combien ont choisi la bouteille pour tourner la page. L'homme est résumé par une bouteille de gaz. À la moindre étincelle, on explose, on s'expose. Tu comprendras qu'on pique comme les épines d'une rose. Tous dans l'excès, tous des accès. On connaît tous les symptômes d'un homme blessé. Tu comprendras qu'on vise les points sensibles. L'écriture pour atteindre ma cible. Je suis cette voix d'en bas au texte qui calcine. Vouloir garder le sourire n'est pas si facile. Tu comprendras que ma plume n'est pas si docile. Tu comprendras qu'on vise les points sensibles. L'écriture pour atteindre ma cible. Je suis cette voix d'en bas au texte qui calcine. Vouloir garder le sourire n'est pas si facile. Tu comprendras que ma plume n'est pas si docile. J'ai plus le temps de faire du social. Faut me laisser insensible, épuisé, puissé. Pour les mecs de chez moi qui se butent sur des bouteilles de Sky sans s'enlacer. On prend la vie par derrière, devant y'a plus d'accès. Tu comprendras que la plupart ont les narines dans la C. D'ici je vois que certains provoquent leur décès. Faudra piocher les bonnes cartes, t'auras pas 30 000 essais. Tu comprendras ce texte si tes neurones sont branchés. Ma texture est dark. Tu comprendras que je suis le reflet de la société. Aucune clarté dans nos chiennetés. Tu comprendras que l'oseille nous rend mal élevé. La survie, qualité première sur nos CV. À 20 berges j'en ai déjà crevé. À courir derrière le confort, on fait crever. Aucune trêve jusqu'à l'arrivée. Oh, y'aura qu'un mental d'acier pour nous sauver. Tu comprendras qu'on vise les points sensibles. L'écriture pour atteindre ma cible. Je suis cette voix d'en bas au texte qui calcine. Vouloir garder le sourire n'est pas si facile. Tu comprendras que ma plume n'est pas si docile. Tu comprendras qu'on vise les points sensibles. L'écriture pour atteindre ma cible. Je suis cette voix d'en bas au texte qui calcine. Vouloir garder le sourire n'est pas si facile. Tu comprendras que ma plume n'est pas si docile. Tu comprendras qu'on vise les points sensibles. L'écriture pour atteindre ma cible. J'suis cette voix d'en bas au texte qui calcine. Vouloir garder le sourire n'est pas si facile. Tu comprendras que ma plume n'est pas si docile.